Chapitre 23e. Un matin, alors qu'ils sont attablés sous les deux grands mûriers devant la ferme de Maxime Camille, Adrien demande à son ami « Maintenant, 30 ans après, tu peux me dire la vérité, Maxime. Est-ce que c'est toi qui as tué Marie Bréau ?» Adrien garde le silence pendant le moment, le regard scrutant l'horizon. « Alors depuis tout ce temps, Adrien, tu ne m'as pas cru. Comment dois-je prendre ce manque de confiance ? Ne le prends pas mal, mais c'est une question qui me taraude depuis des années. Qu'est-ce que ça te coûte de me dire la vérité maintenant ? Je ne t'ai pas dit la vérité parce que ça n'aurait servi à rien et peut-être que tu ne m'aurais pas cru. Tu vas savoir ce qui s'est passé et tu comprendras que ce n'était pas si facile à avouer. J'ai pris des risques et après, il fallait assumer. Mais d'une certaine façon, je te disais la vérité. » Et Maxime raconte enfin ce qu'il avait fait et vu ce dimanche 11 juillet 1937. Voici la scène telle qu'elle s'est réellement déroulée, avant que Maxime ne quitte la cuisine des Bréau. Marie est maintenant assise au bord de la table de la cuisine, les bras croisés, le regard rivé sur les tomates. Au bas de la pile, son mari n'est plus qu'une bouillie sanglante. Elle balance ses jambes écartées comme une enfant. Maxime se rend dans la resserre et prend une corde solide dont se sert Étienne Bréau pour monter les charges au grenier. Il monte sur la table, puis sur une chaise, et juché sur la pointe des pieds, attache la corde à la solide maîtresse. Pendant ce temps, Marie a enfin l'idée qu'elle cherchait depuis un moment. Elle ne va tout de même pas quitter la vie comme ça, sans laisser une trace, bien sagement, après tout ce que les hommes lui ont fait endurer. Presque tous les suicidés laissent un mot d'adieu. Crayon en main, elle réfléchit. Le sien sèmera le doute et le trouble sur sa mort et celle de son époux. Elle rédige son texte de telle façon que personne ne croira qu'elle l'a écrit de sa propre et libre volonté. Voilà. Maxime a installé la corde. Il a tiré dessus pour la tester. « Tu es bien décidé, Marie ?»« Oui, je t'en supplie, laisse-moi faire. »« Je t'ai comprise, maintenant, et je ne t'en veux plus. »« Réfléchis bien, une dernière fois. »« C'est comme si je commettais un assassinat. »« Mais non, » lui dit-elle, « tu le fais pour moi. »« Quel dommage que je ne t'ai pas rencontré avant. » Il passe doucement la main sur la joue de Marie et s'en va sans un mot, des larmes plein les yeux. Ce qui a suivi cette scène, le lecteur sera le seul à l'apprendre. Il ne reste plus à Marie que de se pendre. Elle va fermer les volets par précaution car par la fenêtre, on pourrait l'avoir pendue au plafond. Elle remarque que la porte n'est pas fermée. C'est très bien ainsi. Ce sera plus facile pour rentrer. Dans un dernier réflexe féminin, elle jette un regard à sa coiffure dans le miroir sur le buffet, puis elle ferme les yeux. Elle grave dans son cerveau l'image de ses deux Camille et celle de Maxime, le seul homme qu'elle a rencontré avec du courage et du sentiment. La chaise tombe. Elle gigote quelques instants, car elle n'est pas tombée d'assez haut pour se briser la nuque. Puis le long balancement commence. Elle s'en va rejoindre ses deux enfants. Personne ne saura vraiment que c'est elle qui a tué Marceline Kuntz. Mais quelle importance. Épilogue. Voici ce qu'on pouvait lire quelques années plus tard dans une revue traitant de l'histoire de la région sous la plume d'un chroniqueur local. Dans cette affaire, un banal accident, car pour la petite Camille, il s'agissait bien d'un accident et non d'un meurtre, avait généré 4 autres morts. Celle de Marcel Agniel, assassinée par son frère Maxime, celle de Marceline Kuntz, assassinée par M. Bréau, père de Camille, celle de M. Bréau lui-même, assassinée par sa femme, et enfin, le suicide plus que certain de Mme Bréau, mère de Camille. Mis à part l'assassinat d'Étienne Bréau, avoué par écrit par sa femme, et le suicide de cette dernière, les autres meurtres avaient été considérés comme des accidents, faute de preuves tangibles. Le juge Moretti, insatisfait du résultat de l'enquête, repartit à la charge quelques mois plus tard. Mais le principal antagoniste de l'affaire, Maxime Agniel, avait disparu. Jules Trinquier, l'ancien chef de la gendarmerie, entendu comme témoin, ne se montra guère coopérant. Les habitants du village furent de moins en moins bavards sur cette affaire, n'en parlant qu'avec une grande circonspection. Il n'est pas dans leur habitude de dire du mal des morts. Ils sont morts, donc paix à leur âme et qu'on n'en parle plus. De toute façon, qu'est-ce que ça allait changer? Par là-dessus, la débâcle de 1940 jeta une chape de plomb sur l'affaire. Le juge Moretti et l'ex-gendarme Trinquier prirent une part active dans la résistance, surtout à partir de 1943. Ils devinrent des frères d'armes, et bien d'autres problèmes se présentaient à eux. Adrien Brossard et son épouse Mireille finirent tranquillement leurs jours entourés de leurs petits-enfants. Seul dit encore Camille Kuntz, dont bien entendu, nous ne vous révélerons pas le véritable nom. Ainsi s'achèvent les drames de Lambesc par Jean d'Arrigues.